الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Donc l'allocution du Cheikh Abd al-Ghani Ouisset était des conseils à ceux qui sont engagés dans la prêche ou dans la da'wa ila Allah dans les pays occidentaux. Il a commencé tout d'abord à dire que la da'wa ila Allah, la prédication, est la responsabilité et le travail de tous les prophètes. Et c'est un grand travail et une grande responsabilité. Et tous les prophètes ont appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, et la première chose à laquelle ils ont appelé est le tawhid. Chaque peuple a eu son des prophètes ont été envoyés pour des peuples, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour les mondes jusqu'à la fin des temps. Et il a donné l'exemple de certains prophètes qui utilisaient toutes les situations et chaque moyen pour appeler les gens au tawhid, au monothéisme pur, et à mettre en pratique et la mise en pratique du tawhid dans la vie de l'être humain. Même Yusuf alayhi salam, qui était en prison, quand ils sont venus le voir pour lui demander d'interpréter leurs rêves, la première chose qu'il a fait, il les a appelés au tawhid avant d'interpréter leurs rêves. Et comme ça a été aussi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au tawhid depuis le début de son message, au milieu de son message, à la fin de son message, il a appelé au tawhid. Il a dit donc, ceci est le travail des prophètes d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, puis derrière eux leurs héritiers qui sont les savants, puis les prédicateurs de l'Ahl Sunnah qui appellent à Allah avec clairvoyance. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit que Allah, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dit, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et gloire et pureté à Allah, je ne fais pas partie des associateurs. Donc voilà la prédication et la prêche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de toutes les prêches. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé quoi que ce soit dans la religion sans qu'il l'ait expliqué. Et la da'wa aussi, elle est expliquée, elle est réglementée, elle est légiférée d'une manière précise. Il n'est permis à personne de faire la da'wa ila Allah comme il le veut, ou comme il l'entend, ou selon ses goûts, ou selon ses passions, ou selon ses idées, ou selon des rêves, ou selon quoi que ce soit. Car c'est une adoration par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dans tout acte de l'islam, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pas à pas dans la da'wa ila Allah, qui est aussi le travail des prophètes alayhi salatu wa salam, et une grande responsabilité. De même, on doit le suivre dans la manière de la faire, dans les priorités, dans tout ce qui concerne la da'wa, on doit aussi suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les juifs ont demandé, ils ont dit à Salman, radiallahu anhu, votre prophète, il n'a rien laissé sans vous dire. Quand il a parlé de comment ils allaient faire leurs besoins, il a dit, bien plus que ça, il nous a même dit qu'on ne touche pas notre sexe de la main droite, et qu'on, quand on se nettoie avec un nombre impair. C'est-à-dire, il n'y a pas un détail, même dans l'islam, qui n'a pas été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment la da'wa? La da'wa qui est la chose la plus importante, qui est le devoir, le travail des prophètes, puis des héritiers des prophètes et de ceux qui ont pris cette lourde responsabilité. Comment celle-ci ne serait pas aussi expliquée et réglementée, alors que même aller aux toilettes et la manière dont on se nettoie aux toilettes, c'est réglementé. Donc, il convient à tous les prédicateurs de faire la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre devant eux comme exemple le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, il y a dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à prendre pour celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui évoque Allah énormément. Donc l'imam Ibn Kathir a dit que ce verset est un fondement de notre religion, de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans tout acte. Il a même dit que certains salafs ont dit que même si tu pouvais te gratter la tête avec science, alors même gratter la tête, il faut que tu le fasses avec science. Te gratter la tête. Et donc après, le cheikh a énoncé quelques obligations et quelques points nécessaires que le prédicateur doit avoir. La première chose, c'est la science. On ne peut pas appeler à Allah avec ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de son avis. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est descendue, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa prêche, il la faisait avec science, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, il convient à tout prédicateur d'apprendre avant de parler, et de ne parler que de ce qu'il connaît et qu'il maîtrise, car il n'est pas permis de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion sans science. Et cette science est nécessaire. Donc il a parlé des vertus de la science, il a ramené plusieurs versets à hadith. En résumé, il a cité donc ce premier, et il a cité ici cet athar de salaf, que même si tu pouvais te gratter la tête avec science, même te gratter la tête, gratte-la toi avec science. Et il a ramené la parole de Bukhari, le chapitre de la science avant les paroles et les actes. Donc tout acte et parole nécessite avant cela une science. La deuxième chose et le deuxième point, la deuxième nécessité que tout prédicateur doit avoir, c'est de mettre en pratique cette science. Que la da'wa ilallah, elle soit avec ses paroles et elle soit avec ses actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite ceux qui disent des bonnes paroles, il cite, et quelle meilleure parole que celui qui appelle à Allah, donc ça c'est la parole. Wa amila salihah, et qui fait des bonnes actions, qui pratique ses paroles, qui met en pratique ses paroles. Et il dit, je suis parmi les musulmans, je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans d'autres versets où Allah tabaraka wa ta'ala, il cite, les bonnes paroles sont élevées auprès de lui, et les bonnes œuvres aussi sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bonne parole va de pair avec les bonnes œuvres. Et on ne peut appeler à Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier à mettre en pratique ce à quoi il appelait. C'était le meilleur adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam des muwahhidin, l'imam des monothéistes, et celui qui adorait Allah et qui appelait à Allah avec sa parole et avec son état et ses actes, sallallahu alayhi wa sallam. De même, il a cité qu'une condition qu'il fallait avoir dans la da'wah il Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sagesse. Allah ta'ala dit dans le sens des versets, appelle au sentier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne parole, et polémique avec eux de la meilleure des manières. Et il a dit aussi, et ne polémique avec les gens du livre que de la meilleure des manières. Donc, il a dit, il faut s'éloigner des gens qui utilisent dans la da'wah ilallah les moyens qui font des troubles, ou qui n'utilisent pas la sagesse, ou qui sont là, qui n'utilisent pas la douceur, et qui n'ont pas le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de faire la da'wah ilallah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il lui arrivait parfois d'être dur, son caractère général et sa manière générale était d'utiliser la douceur pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, il faut s'éloigner des mouchawishin et des fatanin, ceux qui font les fitan ou qui font le teshwish, qui sont là à toujours mettre le trouble, à chercher à faire des troubles, leur parler les contours des troubles, et faire le trouble et le désordre. Et utiliser, même en cela, la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque point de la da'wah. Donc la science, la mise en pratique, la sagesse, la haute moralité et le bon comportement. Il a dit, il est nécessaire pour un prédicateur d'avoir les meilleurs comportements et les meilleures moralités. Et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement et sa moralité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes. Et il portait la meilleure des da'wah. Et ses paroles, et ses pratiques, et son comportement reflétaient la réalité de l'islam. Et c'est comme ça aussi que tout éducateur, tout enseignant, tout savant ou tout prédicateur doit suivre ce chemin. Il a dit une chose aussi importante, et un point important, une condition dans la da'wah, c'est la patience. Le fait de patienter et de ne pas désespérer. Et patienter, c'est de se retenir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rester constant dans l'obéissance d'Allah malgré les difficultés. Et il a dit, le prédicateur à Allah, il doit organiser sa vie pour l'intérêt de la da'wah et non pas le contraire. Toute sa vie, elle doit être organisée pour l'intérêt de la da'wah. Tout dans sa vie suit la da'wah. La da'wah, c'est ce qui est le plus cher. Il la met devant et tout le reste, ça va derrière. Et il patiente dans les difficultés qu'il subit sur le chemin de la da'wah ilallah. Et il a cité les versets de la patience et patiente comme ont patienté les doués de volonté parmi les messagers. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des difficultés, il se rappelait, il dit, mon frère Moussa a subi des choses pires que cela et il a patienté. Il se rappelait et il s'aidait à patienter en se rappelant ce que les prophètes et les messagers, ses frères, ont supporté dans la da'wah. Donc, à nous aussi de se rappeler ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté, ce que les prophètes ont patienté, tout ça pour la da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. De même que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été démenti par son peuple et rejeté, alors Jibril est venu le voir, il lui a dit, voilà l'ange des montagnes, si tu veux, il écrase ses gens entre les deux montagnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il ne s'est pas empressé de vouloir le châtiment pour eux. Il n'a pas perdu patience. Il a dit, on espère que de leur descendance, ils auront des gens qui vont adorer Allah seul et ne pas lui donner d'associés. De même qu'il a dit que le prédicateur, il doit avoir une confiance totale en Allah. Que cette prédication, c'est celle qui va vaincre. Et que la religion d'Allah, c'est celle qui va triompher. Et qu'il ne désespère jamais et qu'il ait toujours un bon espoir en Allah et qu'il sache qu'Allah Ta'ala va faire vaincre cette religion. Et il a cité en cela les versets et les hadiths qui vont dans ce sens. Pour finir, il a rappuyé le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que la da'wah, pour qu'elle se porte bien, il faut qu'elle suive les règles qui la régissent. Et que tous les gens qui se sont égarés dans la da'wah, c'est parce qu'ils ont utilisé la da'wah comme un moyen pour atteindre des objectifs mondains, que ce soit l'argent, que ce soit une place, que ce soit le fait d'être montré du doigt, que ce soit quoi que ce soit parmi les objectifs mondains. Ça, c'est une des portes par lesquelles ils sont égarés. Il a dit, ou bien l'autre porte, c'est qu'ils n'ont pas suivi la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la da'wah. Ils n'ont pas commencé en priorité par l'appel au tawhid. La base, le fondement de cette da'wah, d'ailleurs, le cheikh, toute la moitié du discours, c'était, il a parlé que des versets sur l'appel au tawhid, et il a fini la fin sur l'appel au tawhid. Il a dit, c'est la base de toute chose. Tous les messagers ont été envoyés. Quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il les a envoyés où? Il l'a envoyé au Yémen. Il a dit quoi? La première chose par laquelle, à laquelle tu les appelles, c'est le tawhid. C'est d'attester qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans tout ce qu'il fait. Je commence par ce par quoi Allah a commencé. Allah a commencé dans le Coran par l'appel au tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par l'appel au tawhid. La da'wah des du'at sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam en priorité. Et avant tout c'est l'appel au tawhid. Et l'enseignement du tawhid. Puis de toutes les règles religieuses qui viennent. On commence par le plus important du plus important. À l'important, on ne dit pas au moins important, car tout est important. Du plus important à l'important. Du plus important à l'important. Donc il a bien souligné cela, souligné que voilà les portes par lesquelles les gens peuvent s'égarer dans la da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala, et que si on veut être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'apprendre correctement notre religion, et d'être en relation avec les gens de science, et de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des salafs, et de ceux qui les ont suivis parmi les gens de science, dans notre appel à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il va nous donner victoire, inshallah. Et il a dit que il y a aussi des gens qui prennent cette responsabilité alors qu'ils n'en sont pas aptes, qu'ils n'ont pas les aptitudes pour faire la da'wah, ni la science nécessaire, ou bien même pas la bonne intention, ou bien la manière utilisée n'est pas bonne, ou bien ils sont empressés, c'est-à-dire ils ne mettent aucune des conditions précitées, ou bien quelques-unes de ces conditions ne sont pas présentes. Donc, il a cité en cela le verset, le dépôt a été exposé ou présenté aux cieux et à la terre et aux montagnes, et ils ont eu crainte de le prendre, donc on leur en a déchargé, et l'être humain l'a pris, car il est certes très injuste et très ignorant. Donc pour sortir de cette injustice et cette ignorance, il faut obligatoirement apprendre la science correcte, la science du Coran et de la Sunna, et faire la da'wah sur le chemin de Ahle Sunna wal Jama'a et mettre en pratique toutes les conditions que le Cheikh a citées. Wallahu a'lam, c'est le résumé de ce que le Cheikh a dit. Si j'ai oublié quelque chose, il y a mes frères sur mes côtés pour me rappeler, inshallah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen.